Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement, on a deux bonnes heures de rock progressif à vous proposer. Et en guise d'ouverture, ben, on a un nouvel extrait du nouvel album de Samurai of Prague. En fait, je pense que c'est la troisième pièce qu'on vous présente. Et ce soir, c'est la pièce Moon. L'album doit être officiellement lancé vendredi prochain, le 25 octobre. Ce sera suivi de Alpha Taurus. On vous a présenté un spécial sur le groupe italien il n'y a pas très longtemps. C'est un extrait du tout récent album 2084, Viaggio nel Nulla, et c'est la pièce Meta et Meta. Et puis Marc, on demeure en Italie par la suite. Oui, en effet, avec la formation Aliante, qui a été fondée en 2017. Ils viennent de faire paraître leur quatrième album, qui a pour titre Anime Invisibili. Et pour vous, ce soir, on aura la pièce Sopravvissuti, qui signifie survivant. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission avec une pièce du nouvel album à venir de la formation internationale de Samurai of Prague. Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, Thank you.

Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonet et Michel Bilodeau. Pour cette nouvelle demi-heure, on va vous présenter un second extrait d'un album d'un groupe américain qui a pour nom Mile Marker Zero. L'album a pour titre Coming of Age et c'est le troisième essai studio de cette formation de New Haven dans le Connecticut. Et la pièce a pour titre Best is Yet to Come. Et puis de Norvège, de Windmill avec leur quatrième album paru l'été dernier, Mindscape, et c'est la pièce Nothing in Return. Et puis Marc, par la suite, on a un extrait d'un album qu'on apprécie beaucoup tous les deux. Oui, il s'agit de l'excellent album de la formation italienne Teodicea. Il a pour titre Il Mondo Esausto, et effectivement, c'est excellent du début à la fin, et c'est un rock progressif instrumental. On aura pour vous ce soir la pièce L'Ineluttabile, et ce sera suivi d'une formation des Pays-Bas, Time Lock, qui ont débuté dans les années 90. Ils viennent de faire paraître leur sixième album qui a pour titre Atomic Swap. Et on aura pour vous ce soir la pièce Bay Chimo. Et comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation américaine Mile Marker Zero. Inside. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation grecque Cicada qui a débuté en 2005. Ils ont fait paraître 3 albums, dont leur plus récent, l'excellent Harvest, paru en 2021. Et on aura pour vous ce soir la pièce Open Wings. On aura également 2 formations québécoises, dont Vecteur K, tiré de leur plus récent album Stratigraphie, paru en 2023. Ils seront en spectacle au Québec, donc, pour 2 dates, soit le 29 octobre au Petit Campus à Montréal et le 12 décembre à Lanty, à Québec, accompagné de la formation Carcius. Donc, de Vecteur K, on aura la pièce Carousel et on aura également un second extrait du nouvel album de la formation de Québec NO3-. Tiré de l'album Émergence, on aura la pièce titre. On aura également la formation allemande Argos, tiré de leur plus récent album Halfway Between Heaven and Mirth, qui est paru un peu plus tôt cette année, avec la pièce Fontanelli's Dream. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation américaine qu'on aime beaucoup, toi et moi. Oui, une formation de New York pour être plus précis. Et on a eu le plaisir de voir Iz à l'œuvre dans le cadre du festival à plusieurs occasions et c'était à chaque fois un pur bonheur d'avoir ces musiciens sur scène. Ce soir, on va vous présenter un extrait du plus récent album du groupe. C'est leur 10e studio et il a pour titre Collapse the Wave. Et ce soir, vous allez entendre la pièce Brace for Impact. Oh, Hi everybody, I'm Nicolas Ofsicada. I'm very happy to be tonight in Terra Incognita. Upon your lips, hey you, hey you, hey Dans le prochain bloc musical, on aura du Venezuela, le multi-instrumentiste Raimundo Rodolfo, et ce sera la pièce Ascenso Tortuoso qu'il a composée pour l'album concept Dante Purgatorio de Divine Comedy Part 2 qui est paru en 2009. On aura également de l'Italie la formation Latte e Miele qui faisait paraître en 2009 Marco Polo, un album concept. Et on aura pour vous la pièce La Battaglia di Corzola. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Suède. Oui, un groupe qui a été mis sur pied en 2015 par Ryan Stolt, leader de The Flower Kings. Il a réuni ses anciens complices de l'époque du groupe Kaipa des années 70. Mais étant donné que la formation Kaipa existe toujours sous la houlette du claviériste Max Lundin, eh bien, Ryan Stolt a choisi de rajouter quelques mots, donc c'est Kaipa da Capo, et un premier album est paru en 2016, d'ailleurs c'est le seul album studio, et sous le titre de Die Skappen Monotony, et il y a un disque en concert qui a été lancé en 2017, sous le simple titre de Live. Ben, ce soir, on écoute la pièce titre de ce premier et unique album. Thank you. fastnar i tomhet och kaos. För många bossar och alla frossar, men ingen vet vad föraren heter. Come in, come in, better ditemi che gloria sarà infierire senza pietà sui corpi di ragazzi ormai morti. Thank you. conclure l'émission ce soir, on a choisi une formation québécoise mise sur pied au début des années 70 sous le nom de Incubus. Le groupe n'a rien enregistré avant les années 2000 et c'est sous le nom de Excubus que le groupe présente son premier album en 2008, un album intitulé « Mémoire incubusienne ». Et la raison est bien simple, c'est que entre-temps, aux États-Unis, un groupe populaire est apparu sous le nom de Incubus en 1991, pour être plus précis. Excubus a présenté un second album en 2011 sous le titre de La Gauchetière, mais depuis on n'a pas de nouvelles. Et ce soir, on vous présente la pièce Abomination d'une quarte de triton. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL.